Schburn se demanda ce qu'on allait bien pouvoir faire pendant toutes ces vacances. Il était entendu que je chercherais du travail et qu'il avait très envie de partir avec moi. Mais pour l'instant, il tenait à mettre d'aplomb pour amasser tout de suite un peu d'argent, quelques plans de razzia dans les grands magasins de la ville. Le produit de nos rapines trouvait place chez les Dernart. On eût dit que la vie de ce village que constituait la zone commençait et mourait chez les Dernart, à cause de cette boutique branlante qui ouvrait la rue là-haut, tout en haut, aux limites du ciel. Schburn et moi organisions minutieusement ces longues virées, c'était indispensable. Dans notre situation, se faire épingler en train de voler aux étalages équivalait à la mort. La maison. La noire maison de correction. On ne disait pas encore rééducation. La noire maison d'où sortit un jour de pluie et de vent Lidbaum, le petit gosse d'autrefois, qui avait tenté d'étrangler sa sœur, Lena. Le petit gosse d'autrefois avec une tentative de meurtre à son actif. Le petit Lidbaum, amoureux de sa sœur qu'il avait élevée. Ce criminel au cœur de pureté intacte, de surhumaine possibilité d'amour sincère, qui n'admit pas que sa sœur vendit la seule chose qu'elle posséda, son corps. Comme on embrasse un être qu'on aime, il tenta de l'étrangler une nuit dans une chambre d'hôtel, en ville. Lidbaum nous apparut, grandi par l'âpre souffrance de son bagne. Il n'avait réussi à conserver du passé que deux yeux très bleus d'allemand pur. Il avait une démarche qui nous étonna beaucoup et que nous nous hâtâmes d'imiter, les jambes raidies, les genoux pliant à peine, le pas sonore, massif, les épaules rigides. Il avait de la misère, plein la gueule et plein la gueule de haine, de rage, de puissance meurtrière. Là-haut, Lidernacht criait au village de retour du petit Lidbaum d'autrefois, mais nul ne le reconnaissait, et chacun sortait pour le voir. Les hommes demandaient alors, fiston ? Et le petit Lidbaum répondait, la paix, la paix, voilà. À nous, gosses, il faisait peur. Droit, solide comme l'arbre dans l'orage, il avançait pas à pas sur le pavé. Sous ses pas, le pavé chantait la litanie des crevards. Il avançait, les mains calées dans les poches ventrières de son pantalon de coutil bleu, les mains sur le ventre, oui, pour contenir la formidable douleur qui bouillonnait au-dedans. Sa bouche était mince, la bouche d'un homme qui a appris à se taire. Il était grand, grand comme Christ portant la croix, là, pas à pas sur le pavé qui chantait peut-être la complainte des mal-nés. Lidbaum enfin s'arrêta devant chez Eiffeld, un des deux bistrots de notre zone. Il dit à boire et Eiffeld le servit, étonné. Il buvait le verre haut, la bouche ouverte, le cou renversé. Sur le cou, en bleu de tatouage, une petite tête de femme rigolait, en suivant le rythme de la pomme d'Adam. C'était bien là le petit Ledebaum qui sentait le crime lui fourmiller au bout des doigts. Le soir venu, il était saoul. Saoul mais lucide, plus grand encore. Et Fed le servait toujours, sans rien dire. Ça, c'était du spectacle. Tel qu'il n'y en a plus. Tel qu'il n'y en aura jamais plus. Voir Ledebaum là, planté, osseux et inquiétant, terrible, au centre de la dégueulasse baraque de Feld, voir tous les habitants de la zone autour de lui, comme autour du Messie incarné, souhaitant qu'il vide son sac, ou bien qu'il tue tout le monde. Dans un coin, au fond, sur une table de tôle volée quelque part, la lampe à acétylène, brûlant sa vie par petites flammes. Assis où le permettait la place, les hommes, crachant à terre une grosse salive, riant à petits coups bêtement pour rire. Les femmes, au milieu des hommes, et nous, les enfants de cette tragédie, nous saisissant le sexe discrètement, main droite dans la poche trouée du pantalon. Peu heureux, merdeux, malade, dénonciateur de la cirrhose héréditaire. Perdu dans un réduit invisible au fond de la salle, la mère de Feld, qui avait avec elle 20 ans de folie amère, chantait des mots inintelligibles sur un air venu des entrailles. Des heures et des heures à chanter, le souffle vigoureux, nul n'y prenait garde. La mère de Feld, Ledebaum terrifiant, Lobitch, l'aveugle aux yeux ouverts, Jean-Jean, l'idiot baveux, et le reste de notre cercle. Ça, c'était le ghetto, à nu. Ouvrant le premier œil sur ces visions infernales, on n'envisageait plus, par la suite, de s'en épouvanter. Pourtant, l'horrible chanson folle de la vieille à Feld m'est restée sonore à l'oreille. Aujourd'hui encore, je siffle cet air quand je vais seul dans les rues, et je vous jure que les passants écoutent, bon Dieu, c'est de la musique qu'on a oublié de composer. Ça ne s'invente pas, une mélopée pareille. Ça remonte de la chair à la gorge. De la bouche de Ledebaum surgit tout à coup le mot société. La société sociale, la gangrène sociale. Je n'avais jamais entendu ce mot, ou alors il ne m'était pas apparu comme important. Ce soir-là, je le retins. Je passais la nuit à me le répéter. Je m'endormis au petit matin avec du froid sur le corps et du chaud dans la tête en égrenant ces mots. Ledebaum les prononçait si bien. Social. Raclant dans sa gorge, se pinçant entre la langue et le palais, jeté avec une morgue infinie dans ce mot, il avait concentré sa longue patience de reclus, sa faim, sa pneumonie mal soignée, son initiation aux vices corporels. Tout y était, tout. Le désir de vengeance des siècles, le souffle lourd des levées populaires, laissant mêler des serfs et des ouvriers de notre temps, la peine interminable des pauvres, des ratés, des agonisants à perpétuité, la haine des croyances et des pouvoirs et le mépris des lois, enracinés durs à l'âme des hommes comme lui. Société. Ledebaum, fantomatique, brandissant son verre d'alcool, le dos à la lampe, les lèvres distendues, les larmes rentrées, la colère dans les maxillaires. Il nous racontait ses années de torture. Bercé par la chanson ahurissante de la vieille Feld, ses mots frappaient les crânes. Nous écoutions ses jours d'espérance, ses rêves de la nuit, ses hontes. Nous écoutions sa cellule 1023 au bout du couloir H, deuxième section. Et là, l'entassement des détenus, fous, déchaînés, masturbés jusqu'à épuisement. La ronde matinale dans la cour pavée de gel ou de soleil insupportable. La soupe claire qui provoque des diarrhées meurtrières. Les révoltes collectives au cours d'école, les matons s'en donnent à cœur joie. Matraques levées et rabattues sur les nuques. Les lapineries entre détenus, les jalousies incessantes d'une section à l'autre. Les épreuves de force où le vaincu est ensuite livré au bon plaisir de chacun. La discipline pénitentiaire. Inculqués à coups de matraque les sévices de tous ordres, à commencer par la privation de nourriture, la délation, récompensée par un quart de soupe supplémentaire, la férocité des détenus, pire que celle des matons, envieux de leur autorité et l'appliquant sans distinction sur les compagnons, et puis le jour et la nuit, gravés dans les murs, à la force de l'ongle, le jour et la nuit où l'on attend le mort final, ou la liberté, et puis l'angoisse, et puis les souvenirs d'un autre temps qui chavirent toutes les 5 minutes dans le cerveau, le fracassant comme les roches un navire. Nous écoutions. Ah oui, nous écoutions, moi je serais capable de recomposer chaque mot du petit Ledebaum, assassin de sa sœur, par pureté et amour. C'est lui qui m'a enseigné le sens de la misère et de la résignation et aussi le sens de la colère collective. Le lendemain, comme s'il savait où il allait, il reprit la rue pas à pas, main aux poches. Regard vicié à l'horizon, sur la ligne de l'horizon, là-bas, plus loin, au point même où la société devait s'achever de pourrir dans son informe et odorant fumier. J'ai retrouvé la trace de Ledebaum quelques années plus tard dans les colonnes d'une revue de criminologie. Au village, personne n'avait rien su de sa fin, on ne lisait pas chez nous. Ni les revues, ni les journaux, on avait bien assez à faire de vivre. Ça nous prenait tout notre temps. D'un esprit plus aiguisé, c'était moi qui fixais le détail de nos dangereux itinéraires à travers la ville. Toujours rigoureusement, nous les respections, toute dérogation au plan initial pouvant nous être fatale. Nous partions le matin, un peu avant midi, nous remontions la ruche, Borne et moi en tête du groupe, en chantant. Derrière nous, Chapuisat, qui excellait à courir en zigzagant à l'occasion, Meunier, de qui le regard sans intelligence témoignait à tout instant devant Dieu lui-même de son innocence foncière. Il avait un regard de jeune veau qui vous ramollissait le cœur. Gorja, au nez de fouine, qui ne courait pas vite mais qui savait sourire avec tant de candeur qu'on ne pouvait le soupçonner de rien. Il savait aussi poser aux vendeuses des questions abracadabrantes ou leur débiter avec son bon sourire des grossièretés essoufflantes qui les occupaient au moment voulu. C'était Debray, le bossu, qui menait l'affaire de fond en comble, en expert, en prestidigitateur de grande classe. Chaque fois, il procédait de la même manière quant au fond, mais variait ses astuces au gré de sa fantaisie du moment, et Debray était un fantaisiste né. Une fois le rayon repéré à un point du magasin, bosse proéminente, l'air d'un chien battu, devrait aborder le chef de rayon 20 mètres plus loin et détourner sa surveillance par une question rituelle qui laissait le type bouche bée. Debray tapait sur le bras du bonhomme à vêtements noirs. Il le fixait dans les yeux une seconde, puis il taillait dans le vif du sujet d'une voix larmoyante, pitoyable, exercée à la sensiblerie. Il plaçait sa rengaine judicieusement éprouvée. Monsieur, regardez-moi. Il se tassait, se tire-bouchonnait, se désossait, se compliquait l'anatomie. Il accentuait sa différence, exhibait le trou noir de sa bouche. Son œil crachait une larme déchirante. C'était du grand art. Monsieur, je souffre, regardez-moi. Avez-vous déjà vu un bossu aussi laid que moi par hasard? Je n'ai que 12 ans, monsieur, et toute ma vie, je traînerai cette misère de dos enflé. Vous ne pouvez pas savoir ma souffrance, monsieur. Ah! Le type était suffoqué, il ne savait que faire, comment prendre la chose, comment agir. C'était le cas surprenant, l'inattendu. Il se sentait submergé sous les beuglements du pantin inconsistant qui poursuivait sa tirade en roulant des yeux. « Non, monsieur, je ne m'en dis pas. La seule charité que je demande, c'est qu'on m'enlève mon mal, mais ça, personne n'y peut rien, personne. Ah !» À cette exclamation, il s'est penché d'un sanglot tout près. Noué à sa gorge, immanquablement, les gens s'attroupaient ou se bousculaient pour constater. Les vendeuses du périmètre abandonnaient leurs rayons, s'approchaient, et le chef de rayon, pris dans la foule, se lamentait avec elle sur les déplorables sorts d'un tel sous-produit de la nature. Aussitôt, Debray, sans perdre le fil de l'action, clamait son désespoir. « Je ne suis qu'un gosse de la zone !» Je ne suis que ça, un gosse de la zone. Vous ne pouvez pas vous douter de notre misère. Regardez-moi. Il pivotait sur lui-même, pareil au mannequin de haute couture, offrant au regard dans les détails sa lamentable constitution. Pendant ce temps, Sporn et Julius Ledernhardt, que nous avions cueillis au passage dans sa boutique avec le consentement souriant de son père, empocher la lingerie féminine, les montres, les parfums, la bijouterie de pacotille, le père Ledernhardt était preneur de tout article. Entre le début de la pantomime de Debray et la fin de notre rafle ne s'écoulait pas 10 minutes, c'était du travail méthodique, bien fait, presque minuté. Et le bossu Debray se tirait de sa comédie avec quelque argent soutiré au cœur spongieux, ce qui nous permettait de déjeuner dans la rue, de pain et de charcuterie. Et chaque fois, cependant, Debray conservait un petit pécule pour acheter un cierge dans une église de rencontre. Cette canaille machiavélique avait la foi, à moins qu'il ne profitât de ce prétexte pour vider le tronc des pauvres. Nous ne l'avons jamais su. Nous l'attendions devant l'église en contemplant les femmes soyeuses et les voitures qui défilaient. Et il nous rejoignait une demi-heure plus tard, bossu et hilar, le front dégoulinant d'eau bénite. En fin d'après-midi, la même scène se déroulait dans un autre magasin. Nous nous mettions alors en marche vers notre domaine en disputant le prix que nous demanderions aux Juifs et la part de chacun. Le fils Ledernhardt nous incitait toujours à monter nos prix. « Mon vieux est un salaud, nous on a tous les risques et lui rien. Je le connais moi, c'est un salaud de juif. » Dans la semaine, nous voyons la boutique de Ledernhardt se fleurir des produits de notre radia. Et personne n'ignorait leur provenance. Ces excursions se poursuivirent 3 ou 4 mois. Jusqu'au jour où nous eûmes peur. Les descentes, les rafles de police étaient nombreuses dans notre coin. On nous laissait rarement en paix et cela ne nous surprenait pas. Mais un matin, les flics demandèrent à voir les gosses. Ça révolutionna le village. Les maires protestèrent immédiatement de l'ignominie de la mesure. Elles se mirent à crier qu'elles voulaient la justice, rien que la justice, mais qu'arrêter les enfants, c'était une infamie. Qu'on ne les séparerait pas de leur progéniture, seul bonheur de leur vie de pauvre, que ces mignons étaient bien les plus innocentes créatures des cieux, qu'on ne les toucherait pas, foi de maman. On nous embarqua tous dans la voiture cellulaire, et 2 heures plus tard, nos portraits et nos empreintes prenaient place dans les dossiers de la préfecture. Notre manège était éventé. Nous décidâmes de suspendre les expéditions. La semaine suivante, Lederhardt, qui s'était rendu en ville avec son père, nous signala que les grands magasins avaient fait établir une étroite surveillance. Il avait repéré les flics en civil, nos ennemis directs. Ceux-là, nous les repérions au flair, avec cette intuition subtile des bêtes qui chassent de race. C'est alors que Julius eut une idée magnifique. Elle consistait à voler son père qui ne savait pas exactement il s'en fallait ce que contenait sa boutique et à lui revendre, 15 jours plus tard, ce qui lui appartenait déjà. Dans une cabane du terrain vague, Sborn couchait à côté des vêtements volés par le Lederhardt fils. Et chaque dimanche, les bras chargés de vêtements, nous montions à la boutique de son père en chantant. Chez nous, la discrétion en ce genre de choses ne s'imposait pas. Nous frappions à la devanture du juif et nous l'emmenions chez Feld, où s'opérait la transaction. Avant tout pour parler, Lederhardt devait nous offrir à boire. Il nous donnait aussi une cigarette de marque juive à l'agréable fumée, qui nous tournait un peu le cœur. Le vieux roublard, à qui l'idée d'être sa propre dupe ne venait même pas, discutait âprement avec Sborn afin de gagner quelques sous de rabais. Son fils, artisan majeur de ce trafic, assistait au marchandage, impassible, muet, les yeux brillants à la pensée de la commission importante qu'il touchait chaque fois. Quand Sborn et moi avons quitté la zone, ce commerce était encore prospère. Ce n'est point par hasard qu'un univers fourmille de phénomènes. Tous ceux qui résidaient là avaient de fortes raisons de ne pas émigrer. Ce quartier était toléré de la police en vertu des facilités que cette réunion d'individus louches offrait à ses enquêtes. On nous avait à portée de la main en toute occasion. La police savait où effectuer des vérifications. Ce groupement, ce parcage dehors la loi, simplifier ses moindres recherches. À chaque nouvelle histoire scabreuse, on nous gratifiait d'une descente dans les règles, avec interrogatoire et coup dans la gueule. On ne se gênait pas avec nous. Depuis pas mal de temps déjà, des pétitions, signées en long et en large, exigeaient notre expulsion massive. La police ne bronchait pas. Nous étions sous sa protection, donc dépendants d'elle. Elle conservait parmi nous ses plus fameux points de repère et quelques indicateurs. Encore que la délation n'ait jamais été très en faveur dans notre coin. Si l'on accepte Feltin, le second bistrot du domaine, qui collaborait avec les vaches, ayant énormément à se faire pardonner. Feltin, cet être massif et intelligent, respectait malgré tout quelques règles. Il ne vendait pas un type recherché sans l'avoir prévenu au moins 3 jours à l'avance. Sans cette garantie d'honnêteté, on l'eût vraisemblablement retrouvé un soir la gorge proprement découpée, dans sa cabane. Mais Felton savait vivre. Je n'ai pas connu toutes les histoires de toutes les familles, des uns et des autres, j'ai su ni plus ni moins que tout le monde. Entre nous, nous vivions au plein jour, sans secret véritable. Nous retrouvons ensemble, déshérités dans la même médiocrité quotidienne, nos aventures personnelles se ressemblaient toutes. À quelques variantes près, le crime est le crime. Quand on sait ce que c'est qu'un homme crevé à coups de couteau, on ne s'inquiète pas de connaître les détails. Que ce fut Tardan qui était Tripé Vikovitch le Polonais, peu importait. Le Polonais mourut étripé. Voilà tout. Tardan n'était pas fou, il devait bien avoir des raisons pour justifier son acte. Que Felt garda près de lui sa mère, déséquilibrée, et se livra avec elle à des plaisirs particuliers, cela nous était indifférent. C'était l'affaire de Feld. Nous nous étions habitués, en passant devant chez lui, à entendre l'obsédante chanson de la vieille, et cela paraissait naturel. C'était d'ailleurs le sublime de notre condition, que tout nous parut naturel, les horreurs, les monstres et les désaccès. À notre avis, notre compagnie était celle de gens normaux. Rien de terrestre ne nous surprenait. À l'instant où une tragédie nouvelle éclatait au village, on se souvenait à attendre d'un précédent excellent exemple qui ne laissait plus de place à l'étonnement ou à la révolte. Qu'un individu comme Lubitsch ait pu nous convaincre de sa cécité alors qu'il voyait clair comme vous et moi n'impressionnait ni Schborn, ni Debray, ni Lubresco, qui n'étaient pourtant que des enfants. Sincèrement, nous pensions que l'Autrichien était aveugle et par jeu, nous l'induisions souvent en erreur. Sans nous douter de sa supercherie. Le bonhomme maigrelet se laissait faire, prisonnier de sa propre imagination. Lubitsch était tout de même un cas. Tombé chez nous une année, il n'en délogea plus. Il arriva un soir d'été, précédé d'un bâton peint à la chaux. Ses yeux gris troubles restaient ouverts, tout grands. Ses paupières ne tremblaient pas. Fed le recueillit quelques mois chez lui, lui donnant à manger, puis l'aveugle s'établit dans une cabane en tôle, près du terrain vague. Et lorsque quelqu'un y songeait, on lui portait des restes de nourriture. Que cela paraisse impossible ou non, Lubitsch vécut 5 ans dans son réduit, seul, assis sur un tabouret ou couché sur la paille, ne sortant dans la rue qu'à condition qu'un gosse le guidât. Nous constatâmes qu'il était normal le jour où le feu prit à sa baraque et qu'il se précipita dehors sans aide. Découvert, il ne répondit pas aux questions. Il maintenait que la peur du danger lui avait rendu la vue. Et bien que nul ne consentit à le croire, il n'en démordit pas. Cerveau de maniaque. Lubitsch avait tout bonnement le goût de la mortification. Sans les stigmates d'une quelconque douleur, il ne pouvait vivre à tel point que, ne pouvant plus jouir de son mensonge dissipé, un matin, il se broya la main droite d'un coup de fusil à bout portant. Après l'avoir vu aveugle, nous nous habituâmes à le voir trimballer un vilain moignon violacé. Cela ne changea pas grand-chose à son existence, sinon qu'il ne fut plus nourri par la communauté. Quelque temps plus tard, Felton nous le signala comme indicateur. Cela lui procurait un petit revenu. Ce n'était pas par hasard, non, que nous regorgions d'individus surprenants. Nos familles avaient toutes quelques faits assez graves à se reprocher. J'ai connu dans mon enfance nombre d'assassins, pleins de promesses et de bandits à tous les degrés. Ils étaient là, hommes entre les hommes, que leur destin avait foudroyés. Ils portaient sur leurs épaules le poids écrasant d'une longue suite de déchéances. Et comme pour se libérer d'une sorte de contrainte, ils avaient recours toujours à la brutalité, à l'exercice de la force, au mal, à la domination facile sur les êtres et les animaux faibles. On eût dit que leur désir de vengeance n'était jamais assouvi, que c'était continuellement la même vengeance qu'ils appliquaient, qu'ils recommençaient. Chez nous, en été, chaque soir, des matchs de boxe écœurants, menés par les volontaires, se déroulaient sur le terrain vague. Et tous y prenaient un plaisir aigu. Hommes, femmes, gosses, nous étions debout, agglutinés, hurlants, trépignants, nous déchirant la gorge en encouragement démoniaque. Dans les derniers rounds, les deux pantins aveuglés par le sang, la tête enflée, les jambes vacillantes, le corps malade de coups, lançaient au hasard leurs poings et leurs pieds. Notre public, visage crispé, flairait la mort. C'était la mort qui hantait ces combats. C'était la mort qu'on venait chercher chaque soir en été sur le terrain vague. Dans les ultimes minutes, le soir s'allongeant dans le ciel chaud, les femmes, les sens exacerbés, déliraient. À défaut d'une conscience nette des choses, les enfants ressentaient à pleine peau l'attention magistrale de ces fauves qui nous entouraient. Chancelant, presque inconscient, abruti de coups, dans les lueurs des fins de journée, les deux adversaires s'attrapaient à bras-le-corps, désireux d'un signe de victoire pour les départager. La chair ouverte, la chair saignante, et ils finissaient par s'écrouler ensemble dans les bras l'un de l'autre et dans l'air épais, le râle sexuel des femmes montait, bondissait, lançait, projetées hors de leur ventre, folles, dépossédées, hurlantes, comme dans la délivrance. C'était inconcevable et superbe. Et il n'était pas rare que les hommes allassent encore écraser de coups les têtes des boxeurs évanouis. Chaque soir d'été, sur le terrain vague, c'était un Al-Ahly humain. Mon père s'était installé dans ce quartier après avoir subi plusieurs fois l'emprisonnement, convaincu de vol avec effraction et de vol à main armée. Ma mère, qui de son côté exploitait un don curieux pour l'avortement, l'avait sagement suivi dans sa retraite. Néanmoins, ma famille se rangeait parmi les gens honorables. Jadis, Feld avait tenté de supprimer deux témoins gênants pour lui, à commencer par son père. Feltin avait dans son passé bien des souvenirs encombrants et tout en l'employant, la police le gardait à vue. Et Dumas, le drogué, Shelban, le nordique eunuque condamné 11 fois, et Malo, un ancien soutier qui avait eu de longs démêlés avec une police étrangère et dont le cas devait rester litigieux car nous le voyons pâlir à chaque visite des flics. Malo, qui savait si bien se taire qu'il put crever en liberté par un tendre après-midi comme les autres, en se tordant sur le ciment de sa baraque à la manière d'un lombric, sans un cri. Ceux-là et ceux dont les noms m'ont quitté, crapules. crapules et hommes, mes frères, n'échappant jamais à une sorte de ravageuse poésie. Le soutier, lui, n'avait qu'un secret, la mer. Il brodait la voix lointaine. Quand je naviguais, écoutez ça, quelle foire, la mer, et encore la mer, et les ports, et les putes, et les goudrons, et les cordages, et les noyés, et la mer. Quelle vie! Et dire que je crèverais ici. Il ne tarissait pas sur ses aventures de matelot. Un soir, à Lourenço Marques, en Mozambique, dans le sud, tout en bas, dans le vrai sud, à Lourenço Marques, pas plus tôt sur la terre, qu'est-ce que je vois? Une gonzesse noire, de l'ébène, je la voyais de dos. Des miches qui se baladaient de droite à gauche, des belles miches, de baiseuses. Une noire, vous me direz, moi je m'en fous, je lui cours après. Je ne voulais pas la perdre, je voulais me l'envoyer, il me la fallait. J'étais comme ça pour les femmes. Dès que je mettais le pied à terre, j'avais envie d'une grognasse. Noire ou pas noire, ou rouge ou jaune, une femme quoi. La première que je voyais, celles qui traînent sur les quais, elles ne sont pas farouches. Moi je vous le dis donc, je cavale après ma dégresse. Je la suis un bon moment pour le plaisir de voir onduler ses fesses. Un vrai tangage. Je commence à m'imaginer des trucs, un tas de trucs. Avec les colorés, je ne me gênais pas, ça se comprend. J'imagine la petite poule dans mes bras, tout contre moi, ses seins écrasés sous moi et mes mains qui tiennent ses fesses par en dessous. Je ne la quitte pas des yeux, je ne vois que ça, son cul, son beau cul de baiseuse. Ça me captive, je ne peux plus regarder ailleurs. Et il faisait chaud à crever, un chaud humide comme c'est là-bas, à Lourenço Marques, dans le fin fond du sud, en Mozambique. Je me dis que je vais traîner un petit peu avec elle avant de la coucher. Une petite promenade, bras dessus, bras dessous, pour faire connaissance avant. Je me dis que c'est la chance, que j'aurais tout aussi bien pu ne pas mettre la main sur une ménesse de ce calibre. Si on était arrivé une heure plus tard, j'étais tout excité. Je me donne encore 100 mètres avant de la prendre par le bras et de l'emmener avec moi. Je me régale l'œil pendant 100 mètres encore et je lui prends le bras. Elle se retourne et j'ai sa tête devant moi. Jamais j'avais vu ça. Une tête sans lèvres, les dents dehors, une gueule de cauchemar. De dos, on n'aurait pas pu croire ça. Je revois encore ses fesses, à droite et à gauche. J'étais vidé. C'était à Lourenço Marques dans le sud. Je ne suis jamais retourné là-bas. Malo se perdait corps et biens dans ses souvenirs. Sa mémoire était son port d'attache. Il revivait son passé et s'évadait ainsi de son état présent. Sans ses chimères en propre, nul n'aurait pu vivre notre existence. Il n'était pas chez nous un être qui n'eût son rêve. Mon père aussi avait son illusion, qui consistait en des crises périodiques et prolongées, durant lesquelles il parlait de tout laisser en plan, à commencer par la zone, de tout laisser là tout de suite sans plus tarder, de trouver un travail sérieux, rémunérateur, dans une bonne entreprise de la ville, de ne plus boire une seule goutte, de s'installer avec sa famille dans un immeuble à bon marché du boulevard pas loin, de rompre avec les connaissances du ghetto, de chercher d'autres amis d'un niveau plus élevé, d'économiser sou par sou afin d'acheter une maison à la campagne où nous passerions nos dimanches, nos vacances et les jours de fête, de nous vêtir de neuf et non plus chez les Dernart, d'apprendre à nous tenir correctement en tout lieu et de parler de façon commune et non plus grossièrement. Et il expliquait de bout en bout sa façon de voir. Voilà, disait-il, voilà. Les fortifs, ce ne serait plus qu'un mauvais passage dans ma vie, une faille. Ou pour mieux dire, l'époque de la merde, à tous les degrés. La Sof et les deux mouflés me suivent. Qu'est-ce qu'on risque ? Rien. Rien et moins que rien. L'important, c'est d'avoir une bonne fois la volonté de se tirer de ce lotissement de malheur. Après, tout ira bien. La Sof, moi et les garnements, on se carapate vers la ville, en baratinant les bignoles du coin. C'est bien la fin du monde si on ne déniche pas ici ou là un toit pour nous abriter, un grenier pour commencer. Qu'est-ce qu'on risque ? Rien. Rien et moins que rien. Moi, je cherche du boulot. C'est pas pour me vanter, mais je sais tout faire de mes pattes. Je ne suis pas embarrassé des patrons, j'en trouverai où j'en voudrais. Un travailleur comme moi, on n'en voit pas tous les jours. Que ça soit de la mécanique, du bois ou de la brocante, moi je sais tout faire, tout. Il n'y a qu'à me regarder 10 minutes. On voit qui on a affaire. Bon, j'ai trouvé du boulot, du sérieux, du qui rapporte. C'est déjà un point. La Sophie, elle peut marner un peu de son côté, à sa guise, sans s'inquiéter, juste pour rapporter un peu, tout en faisant son petit boulot à elle. Ça comptera pour le plaisir, le pognon qu'elle ratissera. Bon, les mômes, il faut leur faire une situation. J'y pense. Lucien, il est con. Faut le dire, Lucien, c'est aussi mon gamin, mais il est pas bien dessalé, le pauvre. Alors, je le place en apprentissage. On le prendra toujours pour faire les courses. Il est pas con à ce point-là. L'autre, il tient de moi, de ma famille. Chez lui, il n'y a que le cerveau qui marche. Tout mon portrait, sauf que lui, il ne veut rien foutre de ses doigts. Alors que moi, pardon, lui, je le mets à l'école. Je le fais tenir serré. Si on est trop bon avec lui, il se croit tout permis. Je préviendrai qui de droit et on le tiendra à la vis. Et il arrivera, ce mominard, il arrivera, c'est certain. Il tient de moi. Moi, si on m'avait un temps, soit peu poussé, et on est tous peinards, tous les quatre. On planque un peu d'oseille à la fin de chaque mois, en vue de la maison de campagne, et on est les rois. Je vois d'ici la Sophie, toute neuf habillée, et qui se tortille dans la rue, aussi bien que les grandes dames. Elle a de l'allure, y a pas à dire. Je la vois sur son 31, et les deux gosses, avec le béret de marin Neptune, et moi avec une gilet et une cravate à pois, et on est les rois. Et qu'est-ce que ça coûte tout ça ? Rien. Rien et moins que rien. Plus boire comme on le fait ici. À saouler la gueule, sans arrêt, pire que des bêtes. Parce que je vais vous dire une bonne chose, les bêtes, quand elles ont plus soif, elles boivent plus. Tandis que nous, misère, on picole en veux-tu, en voilà, que c'en est une honte. Et plus on en absorbe, et plus il nous en faut. Et pendant qu'on boit, qu'est-ce qu'ils font, nos mômes ? Ils prennent de mauvaises habitudes, à se bagnauder, sans surveillance. Ils se dévoient parfaitement et c'est nous qu'on est les responsables. Et ils ont sous les yeux le plus mauvais exemple. Quand je serai en ville et pépère, un gosse à l'école et l'autre en apprentissage, je n'aurai plus rien à me reprocher. Voilà, disait-il. Voilà. Fallait l'entendre, raconter son histoire. Ma mère ne pouvait supporter cet excès d'imagination, elle qui n'en avait pas. Elle sombrait dans d'intenses colères et lui reprochait d'avoir dévoré à belles dents une dot hypothétique, de l'avoir ramenée dans cet univers. Et elle en venait à le traiter de macro, de feignant, de raté. de mollusques. Et mon père, tout à son rêve, l'a laissé s'enflammer. Lorsqu'il était dans cet état de semi-hypnose, il planait, il méprisait la terre et ses habitants. Il en profitait pour ne plus travailler du tout, mais en échange, il ne buvait plus. Il passait ses journées à se promener, les mains dans les poches, du terrain vague à chez les Dernart et vice-versa, en sifflotant, heureux, content de lui, plongé dans une belle euphorie. Et si ma mère l'appelait, il ricanait et continuait sa promenade, roulant les épaules, pataugeant dans la boue qui ne séchait jamais. Il parlait aux uns et aux autres, mais avec réserve, avec condescendance, d'un air très supérieur. Il examinait la zone de bout en bout. Toutes les baraques défilaient tour à tour dans son œil. Il les palpait, les soupesait, les caressait du regard, comme on fait d'un objet aimé dont on va se séparer. Quand il n'y tenait plus, il explosait à la zone réunie, un peu ébahi, le labyrinthe extra compliqué, le mécanisme baroque de sa passionnante aventure intérieure. Quand il n'en pouvait plus de ruminer tout seul son histoire, il cherchait chez ses compagnons d'infortune un élan, un mot pour consacrer sa vision. Peu avant mon départ, je compris la portée pénétrante de son rêve. C'est ce jour-là qu'il s'expliqua le mieux sur ses projets, qu'il dépeignit en artiste le monde fictif qu'il s'était créé. Rien n'y manquait. Il en était à ce stade où l'on ne démêle plus nettement le réel de l'invraisemblable. À mesure qu'il parlait, son royaume se détachait des brumes de son cerveau d'alcoolique. On l'écoutait. Cela en valait la peine. C'était un beau roman. Les hommes et les femmes se tenaient autour de lui, qui pérorait. À voir tous ces visages sales, barbus ou maquillés sur de la crasse, on s'apercevait avec stupeur que chaque auditeur s'identifiait au personnage qu'était censé représenter mon père. Son discours ne tombait pas dans le vide. Il prenait une profonde résonance d'authenticité. La même résonance pour chacun. Celle du bonheur entrevu. Seule ma mère n'entrait pas dans le jeu. L'imagination et la sensibilité lui faisaient défaut. Agacée de l'attention, du recueillement que provoquait son Adolphe, elle ne voulait rien entendre. Elle marmonnait des menaces de folle, révoltée par tant de divagations, par tant d'incohérences dans l'esprit, gardant sur le cœur des années de misère et de féminité bafouées. Quand je revois mon père sous cet aspect du rêveur impénitent, je suis tenté d'être clément à son égard, mais il a le reste. Sa crise calmée aussi rapidement que surgit, la chute était brutale, cruelle, insoutenable. Il se ruait alors au bistrot et buvait sans mesure, la journée entière. Moi aussi, j'avais mon rêve. Nous avions tous notre rêve, le même. Rêve universel des pauvres qui cherche à émerger du chaos. Schburn et moi, dès que nous avons pu échapper à cette termitière, nous sommes partis. L'heure était venue où une telle existence nous était insupportable, alors que les autres habitants ne faisaient rien pour fuir. Schburn, quelques années plus tard, retourna s'enliser dans ce délabrement, avant de se jeter dans le fleuve, un matin de Noël. Un matin glacé, tout métallique et blanc. un matin d'enfants heureux devant les arbres illuminés. C'était une manière de foutre le camp. Au milieu de l'espace, où êtes-vous en ce moment? Ledernard fils, Debré, Chapuisat, Meunier. Dans quelle prison? Dans quel chagrin inconnu et profond? Dans quel détour de la peine? Je suis vos traces, année par année, et mon destin, qui n'est pas moins nébuleux que les vôtres, m'a emporté ailleurs et n'a abandonné à ma mémoire que vos noms et vos figures barbouillées et cruelles d'il y a 15 ou 20 ans. Vos figures de démons pauvres. Je n'ai pas oublié. Le poison commun gueule dans mes veines et m'empêche de vivre comme les autres, souriant et léger d'insouciance. Toujours vous pourrez m'aborder où que je sois. Je tendrai ma main et ma poitrine pour vous y serrer. Si j'ai la nourriture, je vous nourrirai. Si j'ai l'argent, je vous le donnerai. Et en plus, mon amitié et mon cœur et ma peau, si vous en avez besoin. Je sais d'où je viens. Je n'ai pas renié ma race. Je sais que là-bas, la vie était pareille à la terre, noire, sale, qu'elle ne pardonnait pas, ni le mal, ni le bien. Je sais que tout y était sujet à ordures et à désespérance. Je sais qu'on n'empoigne pas le malheur, qu'on ne lui fracasse pas la tête, que ce n'est pas une question de force. Vous pouvez amener demain vos pitoyables dépouilles. Je pleurerai en vous accueillant, les bras ouverts. Vous pouvez m'appeler, je n'aime bien que la misère des hommes. C'est un bout de notre vérité, la misère. Ça vous fait tenir les yeux écarquillés. Ça vous dérange, ça vous détruit, ça vous réforme. C'est mal, la misère. Faut l'écouter ou s'en aller. C'est exigeant. Vous pouvez m'appeler, je vous reconnaîtrai, toi, Lubresco, dans ta démarche élégante, dans ton port de tête étonnant pour un pauvre, dans ta façon suprêmement musicale de prononcer le moindre mot. Toi, Meunier, dans ton humilité héréditaire, dans ton sourire qui n'ose rien. Et toi aussi, Totor Albadi, viens, si ta jambe folle ne t'a pas entraîné dans le faux pas mortel. Moi, je saurai comment vous parler. Faites-moi le signe de reconnaissance, vous ne me gênerez jamais. Je suis seul sur la terre et je peux dès ce soir vous suivre au bout du monde, à ce bout de terrain où notre vie a pris racine. Vous pouvez m'entraîner dans le tourbillon, j'ai l'habitude. Je n'ai pas beaucoup changé. Et je suis peut-être le seul à vous attendre. C'était le Requiem des Innocents de Louis Calafert, dit par Virginie Despentes, musique de Eric Aldea, Yvan Chausson et Franck Lorino. enregistré le 19 novembre 2015 à la Maison de la Poésie à Paris. Conseillère littéraire Céline Geoffroy, prise de son Hervé Dubreuil et Sébastien Huel, mixage Manuel Couturier, réalisation Franck Lilin. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission pendant un an sur le site de France Culture. Et tout de suite, les nuits de France Culture.